بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات لهذا الدرس في شرح هذا الكتاب المبارك عمدة الأحكام الحافظ عبد الغني المقدسي Rahimahullah Ta'ala, bienvenue aux chers frères et sœurs pour ce cours dans l'explication de ce livre béni, Umdat al-Ahkam, le livre de Al-Hafidh Abdul Ghani al-Maqdisi, Rahimahullah Ta'ala. Faqala al-mu'allifu Rahimahullah, babu salat al-khawf. L'auteur qui nous dit, Rahimahullah, le sous-chapitre concernant la prière de la peur. Ayyuha al-Ikhwa. هذه الصلاة من الأمور المهمة أو مش أفكار سبقية في partie des sujets importants ومن الدلائل التي تبين أهمية صلاة الجماعة et cette prière fait partie des preuves qui montrent l'importance de la prière commune لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع هذه الصلاة ولم يدع هذه الجماعة وإنما حرص عليها وغير كيفيتها ليتمكن المسلمون من أدائها مع وجود العدو Et certes, le prophète صلى الله عليه وسلم n'a pas délaissé cette prière en groupe. Mais il a quand même accompli et a changé la façon de prier en groupe afin de permettre aux musulmans de prier en groupe en présence de l'ennemi donc durant la guerre. Wa kadhalika fi hadhihi salat salat al-khawf ma yadulluna ala ahammiyati salati fi waqtiha. خلافاً للذين يتساهلون في هذا الباب. Il y a dans cette prière, la prière de la peur, ce qui nous montre l'importance d'accomplir la prière en son temps, contrairement à ceux qui vont être négligents en cela et faire sortir la prière de son temps pour quelconque raison. فهؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم صلوا وأقاموا الصلاة في أوقاتها الصلوات في أوقاتها. Et donc cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons ont accompli la prière, ont accompli les prières en leur temps. Ils n'ont pas fait sortir les prières de leur temps, mais ils ont changé la façon de prier à cause de la crainte pendant la guerre. Que dire de ceux qui sont en situation de sécurité où il n'y a nulle crainte et que la seule crainte va être pour certains le travail et le fait de perdre quelques euros. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا. On demande à Allah تبارك وتعالى de nous accorder la réussite. فإن الموفق من وفقه الله. Celui à qui la réussite est accordée, c'est celui dont Allah seul lui accorde la réussite. فأيها الإخوة فذكر العلماء من شروط صلاة الخوف أن تقع في قتال مباح. Les savants, ils ont cité parmi les conditions de cette prière, la prière de la peur, le fait que celle-ci soit accomplie durant un combat, lors d'un combat qui soit licite. وذلك لأن صلاة الخوف أيها الإخوة رخصة من الله تبارك وتعالى. Cela car la prière de la peur est une permission qu'Allah تبارك وتعالى nous accorde. Il nous permet donc de changer l'accomplissement habituel de la prière à cause de la situation donc des musulmans en ce moment. فهي رخصة من الله تبارك وتعالى. ونحن رأينا سابقا أن الرخص لابد فيها من سبب مباح. Et nous avons vu précédemment que il est impératif pour bénéficier des permissions d'Allah tabaraka wa ta'ala, que leur cause soit légiférée. Comme nous l'avons vu dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala harram al-khinzir. Nous avons vu dans le Coran que Allah tabaraka wa ta'ala a interdit le porc. لكنه تبارك وتعالى رخصه في حالة. Cependant, Allah tabaraka wa ta'ala l'a permis dans une situation. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. Et donc celui qui est forcé, il n'a pas le choix. S'il ne prend pas le porc, il va mourir. Celui qui est forcé, qui ne transgresse pas, il ne fait pas ça dans un acte illicite et qui ne dépasse pas les limites. Et donc, il ne va pas manger tout un porc en entier. Il va prendre juste ce qui lui suffit pour tenir debout, pour vivre. Et donc, celui qui ne transgresse pas et ne dépasse pas les limites n'a pas accompli de péché. Et donc, les savants, ils ont cité cette condition concernant les permissions. وهذا قد رأيناه في باب صلاة السفر صلاة المسافر. On a vu cela concernant le sous-chapitre lié à la prière du voyageur. فإننا ذكرنا أن رخص السفر لا تحل إلا لسفر مباح. Et on a cité que les permissions du voyage ne sont licites que pour un voyage, ne sont autorisés que pour un voyage licite. Wa hakadha fi salatil khawf. Et de la même façon lors de la prière de la peur. Fa hadhihi rukhsa tahillu li qitalin mubah. Et donc cette permission est accordée pour un combat qui soit licite. Fa la yahillu li ha'ula al irhabiyin alladhina yukhawifuna an-nas ظلما وعدوانا أن يستدلوا بوضعهم على القيام بهذه الصلاة صلاة الخوف. Et donc il n'est pas permis à ces injustes, ces criminels, ces terroristes qui vont terroriser les gens injustement de s'appuyer sur leur situation, la situation dans laquelle ils sont, pour accomplir la prière de la peur, car cette prière s'accomplit lors d'un combat légiféré. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder à tous la réussite. Wa dhakara al-ulama kadhalika min shurutiha tawaqqu'a hujum al-adu. Les savants ont aussi cité parmi les conditions de l'accomplissement de cette prière, il y a le fait de craindre le fait que l'ennemi attaque. Ce n'est pas seulement que l'ennemi soit proche, mais il faut qu'on craigne aussi le fait que l'ennemi attaque. Et donc, et on a vu précédemment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam au début ne faisait pas salat al-khawf. D'ailleurs, il avait raté la prière du Asr. Et certes, il avait invoqué Allah tabaraka wa ta'ala contre les mouchriquines. Hein? Et il disait Sharaluna an as-salat al-wusta. Ils nous ont donc empêchés d'accomplir la prière médiane, la prière du Asr. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu l'accomplir parce qu'à ce moment-là, il ne priait pas encore, il ne faisait pas encore la prière de la peur. Ensuite, les polythéistes al-mushrikun ijtama'u wa aradu an yahjumu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa ashabahu wa hum fi salat. Et donc, les polythéistes, ils voulaient attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons durant la prière. Fenazal Jibril durant la prière du Asr. Fenazal Jibril wa akhbara an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam bidhalik. Et Jibril est venu et donc il a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cela et c'est ainsi que la prière de la peur fut légiférée pour se préparer donc et faire face à cette ruse des ennemis qui voulaient attaquer les musulmans. L'auteur qui nous dit, rahimahullah, An Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhuma, qala salla bina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam salat al-khawfi في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، فقضت الطائفتان ركعة ركعة. Et donc il nous dit, Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, il dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a prié avec nous, a accompli avec nous la prière de la peur durant une de ces batailles. Et c'est donc un groupe des croyants, se tenait debout avec lui. Et l'autre groupe, en direction de l'ennemi. Donc un groupe qui était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de prier en direction de la Qibla, et un autre groupe en direction se tenait face à l'ennemi. Fasalla billadhina ma'ahu rak'atan, il a donc accompli une unité avec ceux qui étaient avec lui. Puis ceux-ci sont partis, donc ils sont allés se mettre en direction de l'ennemi, mais ils étaient toujours en prière, ils n'avaient pas fini la prière. Et donc, ici, leur a été permis donc, de se déplacer, de se mettre en direction de l'ennemi, alors qu'ils n'avaient pas fini la prière. Et les autres sont venus, Fajal Akharoun, les autres, donc ceux qui étaient en direction de l'ennemi, ils sont venus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli avec eux une unité. Donc, il a fait une unité avec chaque groupe. Le prophète a fait deux unités, mais par contre, il a fait une unité avec chaque groupe. Et ensuite, chaque groupe a rattrapé donc l'unité qui lui manquait. Chaque groupe a rattrapé son unité qui lui manquait afin que chaque groupe ait prié deux unités par la suite. Et donc, ici, au cher frère, cette hadhi kayfiya min al kayfiya min al kayfiya di salat al khawf min al kayfiya allati waradat عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد وردت عدة كيفيات. Et donc cette méthode d'accomplissement de la prière de la peur fait partie des différentes méthodes qui ont été rapportées du prophète صلى الله عليه وسلم. Il y en a plusieurs. فقد جاءت كيفيات في الصلاة حينما يكون العدو في جهة القبلة وكيفية أخرى حينما يكون العدو وكيفيات أخرى حينما يكون العدو في غير جهة القبلة. Il y a des méthodes qui ont été rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque l'ennemi est en direction de la Qibla, et d'autres méthodes lorsque l'ennemi n'est pas en direction de la Qibla. وفي هذا الحديث مشروعية صلاة الخوف وبذلك قال الجمهور. Il y a dans ce hadith, ce premier hadith qu'a cité l'auteur, il y a l'aspect légiféré d'accomplir la prière de la peur. Et c'est l'avis d'Al-Jumhur, l'avis de la grande majorité des savants. Min Al-Malikiyya wa Shafi'iyya wa Al-Hanabila. Donc parmi Al-Malikiyya wa Shafi'iyya wa Al-Hanabila et d'autres. Wa qad ja'a nukila an Abi Yusuf anna salat al-khawfi la tusalla illa ma'an nabiyyi صلى الله عليه وسلم وأنها لا تفعل بعد موته صلى الله عليه وسلم. Il a été rapporté de Abu Yusuf qui wa huwa sahib Abi Hanifa wa tilmiduhu, c'est donc le compagnon de Abu Hanifa et qui est aussi son étudiant. Et donc Abu Yusuf, il a été rapporté de lui, il a été dit que donc la prière de la peur ne s'accomplit qu'avec le prophète صلى الله عليه وسلم. Et qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut pas faire cette prière. Et cet avis, les savants, ils ont cité cet avis parmi les avis qui sont faibles et contraires aux preuves. Wa dhalika li anna al-asl fi af'ali an-nabi sallallahu alayhi wa sallam at-ta'assi bihi. Car la base dans les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam est que nous devons le suivre. Illa inja ad-dalil ad-dal ala khilaf dhalik. Sauf s'il y a une preuve qui nous montre le contraire. Sauf s'il y a une preuve qui nous montre que non, ça c'est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais sinon la base, c'est que nous devons le suivre sallallahu alayhi wa sallam et faire comme lui. Et ici, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Et donc, nous restons sur la base, c'est que nous pouvons accomplir cette prière même après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, si il s'avère qu'effectivement, Abu Yusuf, rahimahullah, a effectivement dit cela, avait effectivement cet avis, et donc, cela est contraire aux preuves. Cela est contraire aux preuves. وهذه الكيفية التي رأيناها معا هي التي اختارها الإمام مالك رحمه الله. Et donc cette méthode que nous venons de voir est la méthode qu'a choisi l'imam Malik رحمه الله. C'est la méthode qu'a choisi l'imam Malik رحمه الله. Donc le fait que il y ait donc un groupe qui prie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'autre groupe en direction de l'ennemi, et qu'ensuite il fasse une unité, et dès qu'il a fini l'unité, alors le groupe qui était avec lui, il part en direction de l'ennemi, mais qu'il reste dans la prière, et les autres, ils viennent. Et les autres, ils viennent, et ils font leur prière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite chaque groupe rattrape l'unité manquante. ثم قال المؤلف رحمه الله عن يزيد عن يزيد ابن رومان عن صالح ابن خوات ابن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. Et donc ensuite l'auteur qui nous dit rahmatullah alayhi, selon Yazid ibn Roman, selon Salih ibn Khawat ibn Jubair, qui faisait partie des tabi'in rahimahullah, donc qui nous dit selon celui qui a prié avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ici vous constatez donc que le compagnon n'a pas été cité. Wa hadha la yadur li'annahu sarraha bi anna bi kawnihi sahabi. Car cela ne fait aucun tort, car il a ici cité clairement que cette personne, il a cité clairement ce qui montre que cette personne était un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit qu'il rapporte cette information de celui qui a prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam ذات الرقاع. ذات الرقاع, c'était donc la prière donc durant ذات الرقاع, c'est une bataille, une razwa qui s'appelait ذات الرقاع. Il a accompli la prière de la peur. Durant celle-ci, il y a un groupe qui s'était aligné en rang avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc en faisant un rang, donc aligné derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Un autre groupe était en direction de l'ennemi. Et donc ici, l'ennemi, encore une fois, qui n'est pas en direction de la Qibla. Et donc il a prié sallallahu alayhi wa sallam avec ceux qui étaient avec lui. Il a accompli une unité de prière. Puis il est resté debout et ils ont fini la prière. Donc les anfusihim, chacun, ils ont pris donc l'intention que chacun prie tout seul par la suite. C'est-à-dire qu'ils ont fait une unité avec le prophète. Ensuite, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé, les autres, ils ont pris l'intention qu'ils ne le suivent plus. Ils ne suivent plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais la deuxième unité, c'est chacun pour soi. Et donc chacun a fini sa prière, a fini sa deuxième unité. Et lorsqu'ils ont fini leur prière, ils sont partis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était encore debout. Et donc ils sont partis en direction de l'ennemi. Et ceux qui étaient en direction de l'ennemi, et donc eux, ils sont venus pour la deuxième unité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, et là, ils ont fait une unité. Ils ont fait l'unité qui restait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis, lorsqu'ils ont fini, donc au moment du tashahhud, donc le prophète il a fait deux unités. Et donc il fait le tashahhud. Et pendant qu'il fait le tashahhud, alors les autres ils montent et ils font la deuxième unité. Ils font leur deuxième unité qu'ils doivent rattraper. Jusqu'à ce qu'ils finissent leur deuxième unité et qu'ils rattrapent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, il a fait le taslim avec eux. Il a fait le taslim avec eux. Après cela. Et donc, ici nous avons fahuna kayfiyatun ukhra. Nous avons donc une deuxième façon d'accomplir la prière de la peur. Wa hadhihi al-kayfiyah هي التي اختارها الإمام الشافعي والإمام أحمد. Et cette méthode, donc, c'est celle qu'a choisi l'imam Shafi'i et aussi l'imam Ahmed. Et donc, avant, on a vu la méthode qu'a choisi l'imam Malik pour accomplir cette prière, la prière de la peur. Ensuite, on a vu la méthode qu'a choisi l'imam Ahmed dans une narration pour accomplir cette prière, la prière de la peur. Et maintenant, le dernier hadith qu'a cité l'auteur dans ce sous-chapitre, qui nous dit عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا. Et donc il nous dit, selon Jabir ibn Abdillah al-Ansari radiallahu anhuma, qui dit: j'ai assisté avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à la prière de la peur, et nous nous sommes alignés en deux rangs derrière le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et l'ennemi se trouvait entre nous et la Qibla. Et donc l'ennemi ici il est en direction de la Qibla. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a fait le takbir, il a dit Allahu Akbar. Nous avons tous fait le takbir. Et donc ici on a les deux rangs, les deux groupes qui font le takbir aussi en même temps que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils sont tous en direction de la Qibla et tous en direction de l'ennemi, puisque l'ennemi il est en direction de la Qibla aussi. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est incliné et nous nous sommes tous incliné. Puis il a levé sa tête après le recours, après l'inclinaison, et nous nous sommes tous levés après l'inclinaison. Thumman hadara bis sujudi was-saffu alladhi yalihi. Ensuite, il s'est baissé pour se prosterner, et avec lui le rang qui était derrière lui. Et donc ici il y a un rang qui s'est baissé pour la prosternation. وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ. Et le rang qui était derrière, ils sont restés debout face à l'ennemi. Donc pour les observer, pour voir donc si l'ennemi attaquait. Le rang qui était derrière est resté debout face à l'ennemi. Fait. لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا. Lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم a fini la prosternation et que donc il se soit levé lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم a fini la prosternation et que le rang qui est derrière lui il se soit levé, lorsque ce rang là ils se sont levés, alors là le rang qui était derrière, le deuxième rang, eux, ils se sont prosternés, et ensuite, ils se sont tous levés. À ce moment-là, ils se sont tous retrouvés debout, le prophète, le premier rang, et le deuxième rang. ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ وَتَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ. Ensuite, le rang qui était devant, il est passé derrière. Et le rang qui était derrière, il est passé devant. Et donc, c'est-à-dire qu'en fait, certains savants ils nous disent que le rang qui était derrière, chaque homme, il passe entre deux hommes du rang de devant. Chaque homme, il passe entre deux hommes du rang de devant. Et c'est ainsi que le rang de devant se retrouve derrière et que le rang de derrière se retrouve devant. ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est incliné et nous nous sommes tous inclinés. ثم رفع رأسه من الركوع ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا. Puis il s'est levé de l'inclinaison et nous nous sommes tous levés. ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى. Et donc ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est prosterné, et donc le rang qui était derrière lui s'est prosterné, et ce rang qui était derrière lui, c'était celui qui était derrière, c'est-à-dire au deuxième rang pour la première unité. Maintenant il se retrouve au deuxième, maintenant il se retrouve au premier rang pour la deuxième unité. Donc là ils se sont baissés, ils se sont prosternés avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fa qama as-saffu al-mu'akhkharu fi nahri al-adu. Et donc le rang qui cette fois-ci il se retrouve derrière, tout derrière le deuxième rang, ils sont restés debout en face de l'ennemi. فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّجُودَ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ فَسَجَدُوا. Ensuite lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini donc la prosternation et le rang qui était derrière lui aussi, c'est alors que le deuxième rang, ils se sont prosternés et c'est alors qu'ils se sont baissés aussi pour se prosterner. ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. Ensuite le prophète صلى الله عليه وسلم il a fait le taslim et nous avons tous fait le taslim. قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. جابر le rapporteur, il dit de la même façon que vos gardes ils font donc avec leur gouverneur donc pour protéger les gouverneurs. Wa zakarahu Muslim bi tamamihi. Et Muslim il a cité le hadith entièrement. Wa zakara al-Bukhari tarafan minhu. Al-Bukhari il a cité une partie du hadith. Wa annahu salla salat al-khawf ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi al-ghazwati as-sabi'ati ghazwati dhat ar-riqa'. Et le fait que Jabir a accompli la prière de la peur avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant la 7e razwa, la bataille donc de Dhat ar-Riqa'. Et donc on a ici au Monsieur Afkar une autre méthode pour accomplir cette prière, la prière de la peur. Et donc comme vous pouvez le constater, elle est totalement différente de ce qu'on a l'habitude de faire. Et tout cela pour permettre aux musulmans d'accomplir leur prière à l'heure, en groupe, malgré la présence de l'ennemi. Et donc cela nous montre l'importance de cette prière, en groupe et à l'heure, et bien sûr à l'heure. Maintenant, on a vu donc que certains savants ont choisi une méthode et d'autres ont choisi une autre méthode. فما هو الراجح جاء عن الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى وهي أن كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو جائز. Il y a une autre narration, un autre avis qui a été rapporté de l'imam Ahmed رحمه الله, c'est que tout ce qui a été rapporté du prophète صلى الله عليه وسلم concernant cela, tout cela qui a été rapporté de façon authentique, alors il est permis. والإمام يختار الكيفية التي تناسب الحال. Et c'est l'imam, c'est-à-dire c'est le gouverneur, le responsable, qui va choisir la méthode qui est adaptée à la situation des musulmans, en fonction de la position de l'ennemi, en fonction donc de la situation des musulmans, etc. Et il y a d'autres méthodes qui ont été rapportées, bien plus que ces trois que nous venons de voir aujourd'hui. Mais nous, on va se suffire de ce qu'a cité l'auteur, rahmahullahu ta'ala. Et voilà pour ce sous-chapitre. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder à tous une science profitable et de nous permettre d'appliquer justement cette science et de nous permettre aussi donc d'appeler les autres nos frères, nos sœurs, nos voisins à l'islam, à cette religion de vérité et à apprendre cette religion. Comme vous avez pu le constater, il y a énormément de sujets importants que beaucoup ignorent concernant cette salat, qui est le deuxième pilier après Shahadatayn. Beaucoup de choses que nous avons vues, beaucoup de personnes l'ignoraient, alors que c'était des sujets importants. Ce sont des sujets qui concernent ce deuxième pilier que nous accomplissons 5 fois par jour. Ce qui montre encore une fois l'importance d'apprendre. Et encore, nous n'avons pas cité grand-chose, je vous le dis sincèrement. Ici, nous sommes restés donc sur les ahadiths qu'a cité l'auteur. Les ahadiths qu'a cité l'auteur, donc l'auteur il a cité ce qui a été rapporté dans Sahihayn. Ce qui a été rapporté essentiellement dans Sahihayn. Il y a d'autres hadiths, il y a d'autres sujets que nous n'avons pas abordés qui sont cités dans les livres de fiqh. Ce livre, n'oubliez pas que ce livre, c'est un livre de hadith. Ce qui nous rappelle l'importance d'apprendre notre religion. Il y a énormément de choses à apprendre. C'est important, nous devons faire attention à notre temps. Nous devons faire attention à notre temps. Barakallahu fikum. Je vais donc arrêter et vous laisser vous préparer tranquillement pour ce début du Ramadan. Et n'oubliez pas, jazakumullahu khairan, la prière, ça commence ce soir. Je sais qu'en général, quand on pense au Ramadan, on pense au jeûne qui commence demain. Le jeûne qui commence demain, inshallah ta'ala, jazakumullahu khairan, c'est bien de penser au jeûne qui commence demain. C'est bien de penser à votre repas avant le jeûne, effectivement, na'am. Mais n'oubliez pas la salat avant le repas, pendant la nuit. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا